بسم الله الرحمن الرحيم. On prend le dernier hadith de ce chapitre qui est relatif à la salat du witr. يقول في الحديث الثالث والعشرين بعد المئة. 23e hadith. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء من إلا في آخرها. Selon Aïcha, elle disait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pouvait faire 13 raka'at dans sa salat de nuit. Et il finissait par 5. Durant lesquels il les faisait les raka'at d'affilée sans s'asseoir, si ce n'est à la fin. C'est-à-dire 5 raka'at d'affilée avec un seul taslim à la fin, une seule assise à la fin. Comme cela va être expliqué, inshallah. Qala fadilat al-shi'a ibn al-Usaymin, rahmallahu ta'ala. Al-Rawi, le rapporteur, c'est Aïcha, dont on a déjà parlé, et qui est également ce qui a apporté le hadith précédent. Et Aïcha est celle qui est parmi les plus à même de citer ce genre de hadith, car cela se faisait dans la maison du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hein, à l'abri du regard des gens, donc dans les moments où seuls les gens proches de lui pouvaient le voir, et les gens les plus proches du Nabi sallallahu alayhi wa sallam étaient ses femmes, dans ce moment-là, pour le voir la nuit chez lui, comment il faisait. Yaqul fi sharh al-ijmali, explication globale. كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل على وجوه شتى في العدد والكيفية إما لاختلاف الأحوال وإما لبيان الجواز والتوسعة على الأمة. Donc la salat du Nabi صلى الله عليه وسلم de nuit était diverse. Se faisait de différentes façons, soit dans le nombre ou soit dans la façon. Cela soit pour en fonction des différentes situations, ou la fatigue, ou le temps, ou le zalika, ou alors pour montrer la permission de cette diversité, ou également pour pouvoir assouplir sur sa communauté. وفي هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي 13 ركعة يوتر بخمس منهن أو منها في آخرها بتسليم واحد وتشهد واحد فلا يجلس إلا في آخرها. Donc la femme Aïcha, justement, que le Nabi صلى الله عليه وسلم, il lui arrivait de faire parfois 13 rakat, soit 11, soit 13. Et de finir ces 13 rakat, c'est-à-dire incluant dans ces 13 rakat 5 qu'il faisait d'affilée, 5 rakat d'affilée. Donc il ne s'asseyait qu'à la fin, il faisait un seul taslim à la fin et un seul tashahud. وأما ثماني الأول أو الأولى فالظاهر أنه يصليها ركعتين ركعتين كما هي كما هي السنة في صلاة الليل. C'est-à-dire que les 8 premières rakat qu'il faisait, il les faisait comment ? Deux par deux. D'accord ? Deux par deux. Comme sur les connus dans la sunna. Et les 5 dernières, il les faisait toutes d'affilée. Toutes d'affilée. C'est-à-dire, après qu'il ait fait une rakat, un recours, il se relève. Et après, il se prosterne 2 fois, il se relève. Il fait ça 5 fois, en fait. Et au dernier rakat, là, il s'assoit. Il reste assis après le sujoud. Il fait le tashahoud. Et là, il a fini. Naam. يقول من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى في الليل 13 ركعة. Qu'il était possible que le Nabi صلى الله عليه وسلم fasse 13 ركعة dans la nuit. On avait dit que c'était soit 11 ou soit 13. ثانيا أن الوتر بخمس ركعات يكون سردا لا يجلس إلا في آخر ركعة منها. Et que le witr, il se fait d'affilée. Les 5 ركعة que l'on fait enchaîner se font d'affilée. D'accord ? Et qu'il ne s'assoit qu'à la fin. À la dernière rakat, après la dernière prosternation qu'il a faite, c'est là qu'il s'assoit, qu'il fait le tashahoud. Et ce hadith-là démontre également qu'en réalité, le nombre de rakat de la salat du Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne doit pas dépasser 11 ou 13. Pourquoi ? Car il a diversifié dans la façon d'enchaîner les rakat. Des fois, il faisait toutes d'affilée. Des fois, il faisait 8, après 5 d'affilée. Des fois, il faisait 4 et après 5 d'affilée, et ainsi de suite. Mais il n'a jamais rajouté à 11 ou à 13. D'accord ? C'est-à-dire le nombre de rakats qu'il faisait a été limité, il n'a jamais dépassé. Ce qui montre que la sunna, c'est de faire comme lui. Et là où il a diversifié, c'est dans la façon d'allier entre ces rakats. Ah, là, c'est parmi les arguments qui prouvent que la salat de nuit, on n'ajoute pas. Par contre, on peut faire moins. On peut faire une rakat, on peut faire 3 rakats, comme on a expliqué, on peut faire 5 rakats, d'accord ? Mais on ne dépasse pas 11 ou 13. Ah, là. Non. Ah, là, c'est le hadith al-yom. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.